Vous écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du souspressionpunk.com. Restez à l'écoute. Chronique d'émeutes annoncées, schizophrénie générale, et toujours pas de plan B. Le syndrome de l'île de Pâques, une nouvelle fois va frapper. Chacun calé dans son rôle, la pièce devra être jouée. Il faut bien donner sa dose à l'idole qu'on s'est créée. Aller jusqu'au bout du cycle, voir la vie à en crever. 200 années de gangrène, rien n'aura été épargné. Salut tout le monde, vous écoutez Sous Pression, une émission de punk, sky, hardcore, francophone qui diffuse à toutes les semaines à partir du Sous Pression Punk en ligne, mais aussi à la radio à Ottawa, à Yellowknife et aussi à Iqaluit. Je m'appelle Mathieu, évidemment, je vais être avec vous jusqu'à la fin de l'heure. J'ai une vraiment bonne émission planifiée pour vous cette semaine. On a commencé avec The Ayoka de leur album État des lieux, c'était le morceau État des lieux. Je continue avec The Hard Control de leur plus récent album Vaut Rien. Je vais vous faire jouer le morceau Baltringue, mais j'ai du bon stuff pour vous. J'ai du nouveau stuff, j'ai un nouveau par les 3-8. Tantôt, je vais vous faire jouer du Loggerheads, je vais vous faire jouer du nouveau du EP de Rix. Et je vais faire jouer du désert culturel, c'est pas nouveau, mais c'est un album que je me suis procuré récemment, alors je vais faire jouer un morceau de ça. Mais en attendant, voici du Hors Contrôle, Baltringue à Sous Pression. Supérieur pour la plupart des gens, mais fois en garde à vue, j'ai croisé pas mal de poteaux. Y avait des ultras bien tendus, le nom de leur ville t'a pris dans le dos. Y avait aussi quelques adeptes de la coco plein les narines, qui racontaient leurs interpelles à des quepons et des skins. Jeunesse fichée direct en GAV. On les entendait embrouiller le comté qui se trouvait là. Un photographeur est apparu avec l'équipage de la BAC. Les anards l'avaient défendu avant de manger des coups de matraque. Jeunesse fichée direct en GAV. Jeunesse fichée. C'était les 3-8 avec leur morceau Jeunesse fichée. C'est un morceau qui sera sur le split que le groupe prépare avec les partisans. Le split est supposé de sortir au mois de juillet, alors ils devraient l'avoir avec eux pendant leur tournée au Canada. Quelques font faire quelques concerts au Québec et quelques concerts en Ontario à la fin pendant le mois de juillet. Alors j'ai vraiment hâte pour ça. Action Sédition avant ça avec No You Can't de leur album Rapport de Force, et bien sûr les 3-8 vont faire des concerts avec Action Sédition pendant leur visite au Canada, et Action Sédition s'en vont en Europe très bientôt je pense. Dur Cœur avec les mêmes histoires avant ça, et on a commencé le bloc avec Zor Control, le morceau Baltring de l'album Vaut Rien. Là je vais continuer en musique avec du Rix, et on sortit récemment un nouveau EP. L'EP s'appelle Nerf à Vif, c'est sur le label La Vida es un Mousse. Je vais jouer le premier morceau. Le morceau s'appelle Hexagon, c'est un EP de 4 titres dont un a déjà été sorti, le morceau Rapport de Force, ils l'ont déjà sorti une couple de mois. Il y a aussi une reprise, ils ont refait le morceau Contre-Courant, un morceau que le groupe un morceau qui était sur une compilation, la compilation La Force de la Hoy, volume 2, c'est une compile de groupes de Hoy français, bien sûr. Et c'est ça, il y a un autre morceau après ça. Je vais faire jouer le morceau Hexagone, le premier morceau de ce EP-là. Alors voici du Rix à sous pression. We'll be right back. club, c'est que l'idée fausse. Pas de bloc, mais c'est que l'idée fausse. T'as rien à foutre ici, alors mets en trace. T'as rien à foutre ici, alors mets en trace. Viens, ceux qui inventent leur peur. Viens, ceux qui inventent leur couleur. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Soupression. On vient d'écouter du Quartier Libre et de leur album 69, 67, 84. C'était le morceau Industry Music Business du Street Vengeance. Avant ça, avec de leur démo sorti en 2014, le morceau Fierté et Honneur. Et je crois que Street Vengeance, si je me trompe pas, c'est un groupe de Toulouse. Du Shock Callers avant ça avec le morceau Raw ou Rat de leur album Tales of Urban Tribes. Et on a commencé avec du nouveau de Rix, le morceau Hexagon de leur EP Neravif qui est sorti très récemment, alors une semaine ou deux là. On est à mi-chemin de l'émission, alors je vais prendre un moment pour rappeler à ceux et celles, bien sûr, si vous êtes déjà à l'écoute de Sous-Pression à partir du site web souspressionpunk.com, je vous apprends rien de nouveau, mais si vous êtes à l'écoute à partir de la radio à Ottawa, Yellowknife ou Iqaluit, allez checker souspressionpunk.com, l'émission est en ligne à chaque semaine, les chansons sont là, allez checker ça. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission, on a une page Facebook. facebook.com/sous-pression. Alors, allez checker ça, allez vous tenir à jour avec toutes les affaires que je poste, là, que je mets sur le site Facebook. Bien sûr, si vous voulez m'envoyer un message par courriel, info, info@soupressionpunk.com, info@soupressionpunk.com. Envoyez-moi des messages, des commentaires, des plaintes, partagez de la musique si vous voulez, si vous en avez. Un peu plus tard dans l'émission, je vais faire jouer un morceau par Loggerheads, les autres m'ont envoyé un message et je vais faire jouer ça, c'est bon, c'est du bon punk rock, alors c'est comme ça que je les ai découverts. Alors envoyez-moi un message si vous avez la musique à partager. Et c'est ça, là je vais faire jouer, je continue avec le bloc sono mondial, moment où je fais jouer des chansons par des groupes qui chantent ni en anglais ni en français. Question un peu de connaître le punk à l'extérieur du monde anglophone et francophone. Je vais faire jouer un groupe du Brésil. Le groupe particulier du Brésil vient de Caxias da Sul. Là, j'ai mal prononcé ça, c'est certain. Le portugais, c'est pas une langue que je connais très bien. Le groupe s'appelle Skunkirado. Je vais faire jouer un morceau de la plus récente EP qui sort cette année en 2016. Je vais faire jouer les morceaux Illegalide et Mentes Exploradas. Alors voici du Skunkirado à sous pression. C'était du Skunkirado avec leur morceau Illegalide et Mentes Exploradas. Là, on va continuer avec du Loggerhead, un groupe de l'Aveyron en France. Voici le morceau Pâté Cornichon. intentions, s'échappent sans offrir de réponse. Il ne reste qu'à se faire parmi tous mes mensonges. Les quelques se succèdent et s'enchaînent dans ma tête. Il me reste le placard, il me reste les squelettes. C'est la guerre froide entre les vrais qui me plaît. Je descends de sa lune et je prends pour Truman. Les lance-missiles ne font plus peur à personne. Mon rideau de fer est toujours monotone. Jamais sont établies. L'imagination est abolie. On se laisse transporter. Nul besoin de penser. On fait semblant de bien comprendre, mais sans tout savoir à quoi s'attendre. Le jeu est compliqué. Règle indéterminée. Comme des pilotes dans un grand prix, plus jamais de fini. Reprenons à l'infini les mêmes virages du circuit. Comme des pilotes asservés, et tout à l'heure aussi. Reprenons tous nos chambres. Like. C'était du Pogo Marteau, le morceau « Nos désirs font désordre » de l'album du même titre. Les Parguets avant ça, avec toi mon pote. On écoutait du « Zone infinie » avec le morceau « Zone infinie » avant ça. Du Nick à feu de leur album « Lendemain de veille pour les pas fiables », c'était le morceau « Pit de sable ». Du « War, no war » avec « Nous sommes le roi de rats », Eric Panic avec « La voiture endiablée », du « Capable » avant ça, de leur album un peu crust, un peu émou, le morceau « Deux focales », Charlie Foxtrot avec « Jouer par terre », du « Beard Springsteen » avec « Staline », et on a commencé tout ce long bloc avec du « Loggerheads », le morceau « Pâté cornichon » de leur album « Parts of Us ». Là, je vais vous laisser avec un dernier morceau du « Désert culturel » tiré d'une compilation qui s'appelle « Cette machine sert à tuer tous les fascistes ». Je vais faire jouer le morceau « Jean-Marie », ce morceau, j'ai pu trouver ce morceau-là grâce à un camarade Damien qui était en visite au Canada récemment. Il m'a fait connaître ça, du Désert culturel, très bon groupe. Alors, je vais vous terminer avec ça, « Jean-Marie » par Désert culturel, passez une excellente semaine. La petite bête qui monte, la petite bête qui monte.